بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 67 بعد المئة 167 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن قولي إن فلانا له المثل الأعلى أو فلان كان المثل الأعلى، فما صحة هذه الألفاظ؟ Donc il a interrogé l'auteur رحمه الله تعالى à propos d'expression un tel فلان a le qualificatif suprême, c'est-à-dire l'exemple suprême et l'exemplaire. Donc, qu'en est-il de cette expression ? فأجاب رحمه الله تعالى هذا اللفظ لا يجوز على سبيل الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى فهو الذي له المثل الأعلى. Donc il a dit cette expression dans l'absolu comme ça, ce n'est pas permis car cela ne revient qu'à Allah سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. C'est lui qui a le qualificatif suprême. Ses attributs sont les meilleurs et les meilleurs et ses noms sont les plus beaux. أما إذا قال فلان كان المثل الأعلى في كذا وكذا وقيده فلا بأس به. Par contre, si la personne spécifie dans quel domaine cette personne-là a le qualificatif suprême, alors cela est valable. Par exemple, tu dis un tel dans tel domaine, c'est lui le meilleur. Par exemple. C'est lui qui est l'exemple. C'est lui qui est la référence. Donc il faut spécifier dans quel domaine. Mais le fait de dire dans l'absolu comme ça, cela ne revient pas à la créature. Cela revient à Allah Azzawajal. Naam. Thumma qala fi as-su'al al-68 ba'd al-mi'a. 168e question. Su'ila al-shaykhu rahimahullah ta'ala. Kathiran ma nara ala al-jidran kitabat lafz al-jalala wa bijanibiha lafz Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أو نجد ذلك في الرقاع أو الكتب أو في بعض المصاحف، فهل موضوعها هذا صحيح؟ Donc il est interrogé à propos de gens qui disent voir le nom de Allah عز وجل et celui de Mohammed à ses côtés directement sur les murs ou sur des livres ou même sur des masahif, c'est-à-dire le masahif c'est le livre qui contient le Coran. Donc est-ce que cette écriture est correcte de voir Allah et à côté Mohammed? Et on peut le voir également sur des inscriptions, des écriteaux. Dans les masajides, on voit beaucoup ça. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى مَوْدِعُهَا لَيْسَ بِصَحِحٍ لِأَنَّ هَذَا يُجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِدًّا لِلَّهِ وَمُسَاوِيًا لَهُ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا رَأَى هَذِهِ الْكِتَابَةَ وَهُوَ لَا يَدْرِي مَا الْمُسَمَّى بِهِمَا لَأَيْقَنَ يَقِينًا أَنَّهُمَا مُسَاوِيَانِ وَمُتَسَاوِيَانِ مُتَمَاثِلَانِ. Donc il a dit cette façon d'écrire n'est pas correct, car cela amène à mettre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam égal à Allah. D'accord ? Cela amène à égaliser entre Allah et Mohammed. Et une personne qui verrait ce genre d'écriture, sans savoir qui est le concerné, verrait que les deux sont sur un même piédestal. Donc, il ne faut pas le faire. فَيَجِبْ إِزَالَةُ إِسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ وَيَبْقَى النَّظَرْ فِي كِتَابَةْ اللَّهُ وَهْدَهَا. Donc il faut enlever le mot Mohammed et laisser le regard se tourner vers Lafz Jalala. Quand on dit Lafz Jalala, c'est Allah. C'est pour dire le terme Allah. Seul. فَإِنَّا كَلِمَةٌ يَقُولُهَا صُفِيَّ Ah, Fouane, j'ai mal lu. Donc il dit qu'il faut retirer le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ce moment-là, le regard sera attiré par Allah seulement. Lafz Jalala. فإن كلمة يقولها الصوفية ويجعلونها بدلا عن الذكر يقولون الله الله الله ولا هذا فتلغى أيضا فلا يكتب الله ولا محمد على الجدران ولا في رقاع ولا في غيره. Donc il a dit et le lafz jalala, ce terme seul qui est Allah, c'est une parole que les soufis prononcent et ils en font un remplaçant du zikr. Au lieu de faire des vrais azkar légiférer, ils disent Allah, Allah, Allah tout seul. Même certains ils disent Hu, Hu, Hu, qui est le domir, Huwa. Donc à ce moment-là, même Lafz Jalala tout seul, il faut l'enlever. Donc on n'écrit pas Allah, ni Mohammed, ni sur les murs, ni sur les écriteaux, ni nulle part. Si jamais tu cries Allah, tu l'écris avec une phrase, on appelle ça Jumla Mufida, une phrase qui a un sens. Et bien tout seul comme ça, ça n'a pas de sens. Et cela ferait ressembler au zikr des Soufiya, qui est un zikr qui est innové. Non. Summa nukmil bi السؤال 69 بعد المئة 169 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه العبارة العصمة لله وحده مع أن العصمة لابد لها من عاصم فهل هذه العبارة صحيحة؟ Donc ils disent qu'en est-il de l'expression de dire que l'infaillibilité n'est que pour Allah seul, c'est-à-dire la protection de l'erreur. Être protégé de l'erreur, cela ne revient que à Allah seul. Alors que la protection a forcément un protecteur qui l'accorde. Donc, est-ce qu'on peut dire cela? D'accord? فأجاب رحمه الله تعالى هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله عز وجل وحكمه كله ثواب وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى صحيحة. Donc il a dit cette expression, il se peut qu'une personne la dise dans le fait de dire que la parole d'Allah est complètement vraie, parfaite, sans erreur. Donc cela ne contient aucune faute. Ce sens est correct. لكن لفظها مستنكر ومستكرة ومستكره نعم لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصمها الله عز وجل والله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. Donc il a dit et comme l'a dit le questionneur, cette protection accordée laisse entendre qu'il y a protecteur et bien sûr Allah عز وجل personne ne le protège. C'est lui qui protège. Donc, il a dit قَالَ فَالْأَوْلَى أَنَّ يُعَبَرَ الْإِنسَانِ بِمِثْلِ عَدَى التَّعْبِيرِ بَلْ يَقُولُ أَسَّوَى فِي كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمِ. Donc le meilleur, c'est que la personne ne dise pas cela. Bien qu'en français, ça ne se dit pas trop. Ça se dit plutôt en arabe, l'usma. Mais que la personne dise, par exemple, que la vérité est dans la parole d'Allah et dans la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est mieux. C'est mieux de dire comme cela. Mais en réalité, le fond de la phrase en elle-même n'est pas incorrect. Juste qui pourrait amener à penser une chose, mais en réalité, un croyant doté du mal aqidah, c'est très bien ce que cela veut dire. Wallahu ta'ala alam, falaktafi biyad al-qadr, walhamdulillahi rabbil alamin.